Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentiel. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, nous sommes de retour après une semaine d'absence. Veuillez nous excuser. Et j'espère que vous avez apprécié l'émission pré-enregistrée sur G-Animé 2012 que j'ai réalisée en me rendant là-bas et en parlant avec plein de monde intéressant, donc Franck Pithiot. Vous pouvez toujours aller réécouter nos anciennes émissions au www.puissancemaximale.com. Et on va commencer... une belle émission aujourd'hui, chargée, comme d'habitude, avec des nouvelles. Mais on a Andrew Castegan cette semaine qui va venir nous parler d'une nouveauté, mais d'une vraie nouveauté. Alors, on va parler de la PS Vita, mon cher Andrew. Oui, spécial Vita, avec deux jeux qui étaient disponibles au lancement. Donc, dans le fond, Uncharted et Little Deviant. Donc, on va faire un petit tour de la console, voir comment qu'elle est de façon physique, les commentaires sur la prise en main, et ensuite, un petit dossier rapide sur les deux jeux que j'ai eu l'occasion d'essayer sur cette nouvelle console. Ben oui, ben on va vous parler de cette nouvelle console-là qu'on a réussi à avoir... pas en exclusivité, là, mais c'était une prévente qui était chez Best Buy, puis toi, t'as pu en profiter. Donc, on va pouvoir parler de ça aujourd'hui. Et on va commencer en musique avec... On vous a déjà présenté cet artiste-là, finalement, cet artiste internet-là, qui s'appelle Maluka. Elle avait sorti un cover, comme on dit en anglais, d'une chanson de Bard dans Skyrim. Elle en a fait une autre, donc elle a fait Age of Aggression, que vous pouvez entendre quand vous jouez dans Skyrim, dans les tavernes. Et on va vous présenter ça à puissance maximale. Vous écoutez ça sur CKIA 88.3 à Québec. Drink to our youth, for the days come and gone. For the age of aggression is just about done. We'll drive out the storm cloaks and restore what we own. With our blood and our steel, we will take back our home. Down with Ulfric, the killer. We're the children of Skyrim, and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. But this land is ours, and we'll see it wiped clean of the scourge that has sullied our hopes and our dreams. Oh. We're the days come and gone, for the age of aggression is just about done. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, nous sommes de retour à Puissance Maximale et on va y aller avec des nouvelles ludiques. Entre autres, ben il y a une rumeur présentement qui court sur Ubisoft, sur les sorties 2012 d'Ubisoft. C'est sorti, en fait, il y a pas longtemps, il y a une semaine environ. Et c'est, en fait, c'est, ce serait encore un truc qui serait sorti sur Internet sur des sorties de 2012 d'Ubisoft, quelques titres intéressants, dont le très attendu Assassin's Creed 3. On sait qu'on a eu différents titres depuis. On a eu Brotherhood, on a eu Revelation. Mais là, on a le 3, enfin, qui arriverait en 2012. Mais il y a d'autres titres aussi, dont un titre qui n'était pas attendu du tout, un titre de la franchise Prince of Persia, qui viendrait pour la Wii, et la 3DS, qui a été annoncée également. D'autres titres, dont Brothers in Arms, Furious 4, pour PlayStation 3, Xbox 360, et évidemment pour PC. On aurait Far Cry 3 aussi, qu'on aurait vu un trailer sortir aussi sur Internet la semaine dernière, que j'ai regardé, très intéressant, mais c'est pas de gameplay, par exemple, là, c'est un cinématique, mais qui peut un peu nous expliquer le scénario du jeu qui s'en vient, encore une fois, sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. I Am Alive aussi, qu'on avait entendu parler, on en avait parlé un peu, un post-apocalyptique zombie, à quoi, en tout cas, bref, c'est encore un truc du genre qui serait fait par Ubisoft, là, qu'on pourrait avoir en 2012. On aurait Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, on aurait un Ghost Recon Online également qui est annoncé. Pour Future Soldier, on aurait ça sur 360, PlayStation 3, PC, et Ghost Recon Online en PC et Wii U. On avait vu quelques gros titres là, plus hardcore un peu sur Wii U pendant le 3. Ça en serait un de ça. On a Retribution aussi qui sortirait, je continue à dire que c'est des rumeurs, PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Et finalement, un autre Just Dance qui sortirait sur Wii, Xbox 360 et PlayStation Move. Autre nouvelle sur maintenant Resident Evil 6, parce qu'il y a des nouvelles. On en a parlé il y a quelques semaines, il y a encore d'autres nouvelles qui sortent. À ce qu'on dit, le jeu serait prêt à 50%. L'action de Resident Evil 6, ça passerait dans une ville chinoise qui n'existe pas en fait, là, purement sortie de l'imagination des gens de Capcom, qui s'appelle Lanxiang, et qui est une ville finalement côtière en Chine. Une ville qui sort, comme je disais, complètement imaginaire. Oui, Andrew, t'allais rajouter quelque chose? Oui, ben la décision de Capcom de faire en sorte que la ville côtière en Chine soit fictive, il y a une petite motivation là-dessus. Rappelons-nous le scandale qu'il y avait eu avec Resident Evil 5 qui se passait en Afrique, dans des lieux plus connus. Ouais. On se rappelle du petit scandale qu'il y avait eu. Mais là, pour Resident Evil 6, on est dans une ville fictive. En 2013, où on a Leon Kennedy et Chris Redfield qui vont faire équipe pour combattre contre les méchants zombies. On a évidemment quelque chose de nouveau. On pourrait tirer en bougeant, qui est quand même assez intéressant. Tom, tom, tom. Tom, qui pourrait être... Je veux dire, c'est un peu normal. Enfin, nous allons pouvoir bouger en tuant des zombies. Et malheureusement, pour ceux qui pensaient que ça allait revenir vers quelque chose de survival horror, les gens vont être déçus. On nous parle vraiment de quelque chose axé sur l'action, juste en voyant ça aussi, avec un système de combat rapproché aussi qui serait changé, qui serait boosté un peu. On attend toujours. Ouais, mais aussi, en même temps, faut pas oublier que Capcom a travaillé beaucoup sur Resident Evil Raccoon City, là, le genre de jeu qui ressemble à la Left 4 Dead. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu un test de mécanique de jeu pour Resident Evil 6. Là. Ouais, on verra. Il y a le retour des zombies et des javots aussi qu'on avait vu dans d'autres jeux. Les monstres intelligents avec des AK-47 qui courent et qui nous donnent des coups de couteau, qui nous tirent dessus. Tout ça sera de retour dans Resident Evil 6, mais bref, la grosse nouveauté pour le moment qui est annoncée, c'est le système de combat, donc du tir où on peut se déplacer, quelque chose vraiment axé plus action finalement. On va parler de la PS Vita tantôt, de la PlayStation Vita avec Andrew, mais il y a une nouvelle aussi qui est sortie, quelque chose qui est un peu plate pour les fans nord-américains. Le programme Passport finalement ne sera pas disponible en Amérique du Nord. C'était quoi finalement Passport un peu, Andrew? Ben, en fait, c'était pour les propriétaires qui avaient, dans le fond, la PlayStation portable avec des jeux sous le format UMD. Ça permettait de les transformer en version, dans le fond, mobile, sans qu'on ait besoin du support physique pour y jouer sur la PlayStation Vita, moyennant un coût, bien sûr. Mais c'était pas un si gros coût, on nous avait parlé. Là. Non, c'est les prix en dollars américains, si on faisait la conversion, là, dépendamment du plan qu'on prenait, c'était entre 7$ et 20$ à peu près. Donc, ben, c'est sûr, il y a un écart, là, mais c'était une question aussi en même temps de quantité de jeux qu'on voulait ripper puis des affaires de même. Là. Comme moi, probablement que ça m'aurait coûté 20$ la quantité du MD que j'ai. Là. Mais non, effectivement, une nouvelle que j'ai vue qui est plate parce qu'en fait. Parce qu'au Japon, ils vont l'avoir. Oui, mais aussi en même temps, c'est que la console sort la semaine prochaine. Elle a été disponible cette semaine pour les personnes qui précommandaient. Et ça a fait en sorte là, que la nouvelle est tombée après que la console soit tombée disponible pour les personnes qui ont précommandé. Là. Ben, ouais. Maintenant que les gens ont la console, ils vivent avec la décision de Sony. Bravo encore à Sony, qui, bref, depuis la dernière année et demie, là, n'a pas de grandes de décisions très, très, très, très, très fun pour les consommateurs, finalement. Fait qu'on va leur espérer qu'ils vont faire mieux dans le reste de l'année 2012. Autre nouvelle sur la PS Vita et sur PS3, on a annoncé une nouvelle version de Final Fantasy X. Il y a une nouvelle qui est sortie, malheureusement. Ce qui est ressorti, c'est que ce serait seulement un remaster HD. On nous promet pas de nouvelles scènes en cinématique, de nouveaux voice acting. Ce sera pas un remake de Final 10. Ça va être seulement un... on refera pas le jeu, on va sûrement faire de nouveaux graphiques. On nous dit que ça va valoir la peine, que c'est vraiment mieux que l'original. Ben là, j'imagine, j'espère. Mais en tout cas, pour les fans qui avaient seulement leur version PS2, si vous aimez votre version, peut-être pas courir au magasin quand ça va sortir, mais si vous l'avez pas, ben ce sera peut-être une occasion de vous le procurer. Une nouvelle assez drôle, je trouve. Récemment, il y a un roman de Mass Effect qui est sorti, qui s'appelle Mass Effect Deception, c'est sorti il y a pas si longtemps ça a été accueilli très froidement par les fans de la série, de la franchise Mass Effect, même que les fans de la série sont allés sur les forums de BioWare, ont posté des choses, en fait c'est des choses qui seraient pas cohérentes avec l'histoire finalement du jeu, de la franchise, des trucs qui marcheraient pas finalement dans le livre, et ça a été rapporté finalement à BioWare à travers les forums. Et là, qu'est-ce que BioWare a fait? Ils se sont excusés, premièrement, en disant qu'ils prenaient en compte ce que les fans avaient dit sur les forums. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire, Andrew, avec ce roman-là? Ils vont le patcher. Et oui, la prochaine version, la prochaine édition de ce livre-là va contenir finalement des changements apportés au roman. C'est que là, maintenant, ben on peut dire que le roman est vraiment touché par la technologie. On va vraiment maintenant avoir des patchs sur nos livres parce que les fans ne seront pas contents. En tout cas, je suis un peu... Moi, dans ma tête, un livre, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Point barre. Faites-en un nouveau après. Rattrapez le tir, mais refaites pas une nouvelle version de votre livre. En tout cas, bref. C'est la technologie, maintenant, n'a plus de limite. Une autre nouvelle qui est sortie, en fait c'est une c'est pendant un événement qui s'appelle Destination PlayStation qui s'est sorti, c'est des gens qui étaient c'est des gens de l'industrie de la vente au détail qui étaient présents lors de l'événement, qui ont pris des photos et qui auraient posté sur Twitter une photo d'un certain Little Big Planet Racing. Et oui, finalement un jeu racing de Little Big Planet, c'est un genre de kart là. Il y a déjà une franchise sur c'est Mod Nation. Mod Nation Racing qui avait une petite inspiration à la Little Big Planet là, qui permettait de customiser le véhicule, le joueur, les maps et tout le kit. C'est ça. Mais d'après ce que j'ai pu lire aussi, puis en regardant un peu, c'est que Mod Nation était populaire, mais pas tant que ça. Parce que PlayStation essaierait de... Ça a été démenti là, par la compagnie qui produit les Little Big Planet, mais est-ce que c'est une façon pour essayer de regagner un peu le côté... les gens qui aiment le kart racing en mettant avec une franchise qui marche beaucoup pour PlayStation? On sait pas, ça reste encore une rumeur. Il y avait quand même une photo sur Twitter assez convaincante. C'était un panneau annonçant Little Big Planet Racing. ou karting, je me rappelle plus, puis c'est vraiment un panneau publicitaire dans cet événement-là. On verra. Une nouvelle intéressante pour les amateurs de Skyrim et de l'équipe Valve qui ont fait un petit mod pour Skyrim qui s'appelle Fall of the Space Core Volume 1 pour ceux qui ont joué à Portal 2. C'est le Space Pod finalement. C'est quoi ça, moi j'ai pas joué à Portal 2. Tu peux-tu m'expliquer un peu c'est qui c'est... Ben en fait c'est que Portal 2, faut savoir qu'il y a un ordinateur contrôlant un centre d'expérimentation qui s'appelle GLaDOS, bref. Puis l'ordinateur a des corps de personnalité qui est des genres de petites boules qu'on dirait qui ont juste un œil. Puis chacun de ces corps-là représente une personnalité de GLaDOS. Puis il y a un moment où dans le jeu où on en a à détruire, dont un qui se retrouve dans l'espace. Ben en fait pas un, même plusieurs qui se retrouvent dans l'espace. Donc c'est qu'est-ce qui est devenu en fait de, beaucoup de très humoristique dans le domaine du jeu parce que dans le fond c'est toutes des pods cinglés là, généralement là parce que mais celui-là je pense qu'il s'appelle Nolan North ce pod là puis il accompagne le Dovahkiin tout le long mais c'est juste pour de la conversation avec comic relief un peu donc c'est à ça que ça sert pour le moment. S'ils en appelaient ça volume 1, ils vont peut-être en avoir un autre, peut-être que le Space Pod va avoir quelque chose d'intéressant à amener au jeu. J'ai eu un complément d'information là-dessus. En fait, on peut faire un casque. Ah oui? Oui, il faut apprendre du Moonstone. Refined Moonstone. C'est ça. Puis dans le fond, en allant à Skyforge, moyen là, qu'on puisse faire un casque. Puis dans le fond, ça revient à un Iron Helmet. C'est les mêmes caractéristiques, sauf que dans le fond, c'est le pod, puis il parle. Fait que dans le fond, tu l'as dans ta tête, puis il parle tout le temps. Bon, mais pour les intéressés à merger Skyrim et Portal 2, allez vous chercher ce mod-là. Mais moi, j'ai l'impression que les volumes vont permettre de construire le reste de l'armure. Ah, peut-être c'est, bien. C'est ça, j'ai l'impression que ça va aller. Je sens que ça va être bizarre. Et dernière nouvelle, en fait, c'est une nouvelle roleplay. On y va avec le jeu Pathfinder. Vous savez que je suis un grand fan. Il y a une série un petit truc qui est sorti en janvier dernier, qui est Pathfinder Battles, Heroes and Monsters. Bref, c'est leur ligne de miniatures pré-peinturées en plastique. Moi, en résine, il faudrait que je revoie, mais beau petit produit que je me suis procuré moi-même quand j'étais à J'animé. Il y avait des gens de Carta Magica qui étaient sur place qui en vendaient et j'en ai profité pour acquérir une boîte contenant 16 miniatures, 3 larges et je me suis procuré évidemment un beau petit dragon noir qui était comme un petit spécial promo là, qui ont sorti pour lancer la série. Je pourrais vous dire que je suis assez content de mon achat. C'est intéressant. On a des personnages, autant des monstres, des héros, des trucs plus génériques comme des gobelins. J'ai des gardes aussi. Vous avoir des gardes dans une cité, ben sur votre battle map, ben vous pouvez avoir ces personnages-là un peu génériques. Vous avez des monstres larges, j'en ai pogné quelques-uns, et le dragon. Pour le prix, c'est intéressant. Pour la boîte contenant 16, c'est tout au hasard en passant. C'est toutes des boîtes scellées. Donc c'est un peu comme les Hero Clicks et choses du genre. Quand vous allez chercher ça, vous savez pas ce que vous achetez. Puis il y a effectivement des prix. Vous allez avoir des trucs qui sont plus qui sont moins communs, même rares, qui peuvent valoir plus cher à l'unité. Si vous avez, déjà, on en vend dans les magasins sur internet des miniatures à l'unité. Vous pouvez aller les chercher directement sur les sites, dans les magasins. Puis ça vaut cher. J'ai déjà quelques pièces qui valent déjà 20$. Pour des larges, puis je voudrais dire que les larges, habituellement, on peut les acheter à 6$ quand vous les achetez scellés. Donc, vous êtes bien content quand vous prenez une bonne pièce. Mais pour les games, pour les maîtres de jeu, pour les joueurs qui se cherchent des miniatures pour leur personne, pour leur game, ça vaut la peine d'aller acheter ça. Environ 4$ la miniature medium ou small. On va vers le 7$ pour les larges. Et le dragon, dans les magasins qu'il y en a encore, j'ai vu entre 12 et 20$. Pour les amateurs de Pathfinder et aussi d'autres jeux de rôle là, qui utilisent le même genre de battle map, ben moi je trouve que ça vaut la peine. C'est un peu moins cher que celle en plomb. Puis en plus, ils sont déjà peinturés. Alors on va continuer, c'est la fin des nouvelles ludiques, on va continuer en musique avec une reprise d'une chanson de musique de jeux vidéo de Final Fantasy VI par The Black Mages, qui est un groupe japonais qui reprend des musiques qui sont spécialisées en Final Fantasy. Et on va l'écouter, The Decisive Battle, et vous écoutez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA 88.3. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, nous sommes de retour à Puissance Maximale et Andrew, on y va avec la PS Vita. Oui, en fait, un peu comme notre cadeau que j'ai fait de moi à moi pour Puissance Maximale, parce que je la donne pas à Puissance Maximale. Mais en fait, petite promotion que Best Buy a fait cette semaine. Si on précommandait la PlayStation Vita en janvier, on avait l'occasion d'avoir l'édition première qui venait avec deux jeux, l'équipement de base, donc carte mémoire, étui et la console, une semaine avant la date de lancement. Parce que dans le fond, faut pas oublier, la PlayStation Vita sort en fait le 22 février et non pas le 15 février, ouais. Donc en fait, belle petite machine, je vous dirais. Mais quand même assez léger. J'ai eu la chance de l'avoir entre les mains, c'est quand même assez léger. Je pensais que ça allait être plus lourd que ça, moi. Effectivement, en fait, moi, en première vue, j'ai été très surpris par la grosseur de la console. Faut dire que c'est quand même une console portable assez grosse. Ouais. On parle pas d'un téléphone intelligent en fait de grosseur. Là. C'est vraiment gros. Format PlayStation portable, là, un peu dans les dimensions de la PSP première génération. Même peut-être un peu plus grosse en frais de hauteur, mais moins épaisse. Dans le fond, on voit qu'il y a quand même un certain travail au niveau de la minceur. Au niveau de la console en elle-même, quand même un fini lustré à la PlayStation 3 première génération. Si vous avez vu la première PlayStation, donc fini lustré, donc le paradis des traces de doigts. Ouais. Sinon, en c'est fait, parce qu'il faut dire que l'écran de la PS Vita, c'est un touchscreen. Oui, en fait, j'y arrivais. Au niveau de l'interface de jeu, on a les touches qu'on retrouve en fait sur les manettes de play, donc les deux joysticks, les fameux triangles ronds, X et carré et les flèches directionnelles. Grosse différence, comme tu l'as mentionné, Michael, c'est que l'écran est tactile. Par contre, faire attention, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu un peu peur quand Sony a annoncé ça. Ils ont eu peur que dans le fond, Sony fasse une tentative de Nintendo DS, t'sais, genre jeu casual, puis t'sais, qu'il n'y ait plus vraiment de jeu pour les hardcore gamers, parce que là, on se retrouve avec une console qui a quand même des caméras, écran tactile, touchpad et tout le kit. Mais en fait, Sony ont bien incorporé ces éléments-là, c'est vraiment plus des aides au jeu que le jeu en lui-même. Je dis pas que Sony feront pas de party game avec l'écran tactile, des choses comme ça, mais t'es comme un jeu comme Uncharted, on va tirer profit de ces éléments-là qui ont été incorporés à la console pour faciliter le jeu aux joueurs. Ouais, parce que je l'ai testé un peu avant qu'on vienne en onde. D'ailleurs, en tout cas, les graphiques, ça vaut le détour, c'est intéressant. Puis pour, il avait montré un peu au E3, dans Uncharted, on peut se promener quand on fait justement du cliffhanger, on se promène là sur une les parois, sur les parois, puis on saute, on fait un peu de voltige, mais on peut aller pointer avec notre doigt où est-ce que notre personnage, où est-ce qu'on veut qu'il aille, puis finalement, c'est un petit truc intéressant, ça amène quelque chose de plus, effectivement, mais on vient pas changer le gameplay au complet, c'est ce que je trouve ça intéressant, effectivement. Effectivement, puis au niveau des entrées, je vous dirais, préparez-vous, la PlayStation Vita, c'est le paradis des prises et des éléments propriétaires. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous trouverez pas ces prises-là ailleurs que sur la PlayStation Vita. Exclusif à Sony et à la PlayStation Vita, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Donc, au niveau des jeux, c'est vraiment un format cassette. T'sais, dans le fond, Sony ont laissé tomber le UMD, qui était le genre de disque dans une cassette que le PlayStation portable avait, pour aller vers une carte qui appelle le PS Vita Cartridge. Il n'y a pas vraiment de nom à lui-même. Ça ressemble un peu format carte d'appareil photo. Je dirais que tout le monde qui l'a vu trouve que ça ressemble aux fameuses cartes SD qu'on a dans les appareils photo, mais avec une extrémité arrondie pour faciliter la prise en main, bien sûr, et l'insertion de la console. Donc, à ce niveau-là, on a cette cassette-là qui est, dans le fond, propriétaire. Sinon, au niveau de la prise de recharge, je m'aurais attendu à ce que Sony mette une prise USB. T'es la tendance des téléphones... Mini ou micro USB. C'est ça, la tendance de standardisation des téléphones smartphones, dans le fond. J'aurais trouvé ça vraiment sympathique que Sony suive le courant pour leur console portable, du moins pour permettre aux usagers d'acheter des longueurs de fil différentes que celles qui viennent de base avec la console. Mais malheureusement, c'est une prise propriétaire qui ressemble à une prise USB, mais n'en est pas une. Donc, si on perd notre fil, on est obligé d'aller chercher un produit, ben, pour le moment, officiel, parce qu'il n'y a pas de compagnie tierce qui ont commencé à faire l'équipement pour la PS Vita, là, mais... Puis, il se vend en deux parties. En plus? Oui, en fait, c'est qu'on a le fil USB, dans le fond, qui se branche dans l'ordinateur, qui est 14,99. Et nous avons le convertisseur USB à prise 110. Et si on perd cette pièce-là, on parle d'un autre 14,99. Bref, un chargeur qui vaut 30$ environ. Exactement. Plus les Donc, taxes. Donc, c'est quand même un petit peu désagréable à ce niveau-là. Sinon, au niveau de la PS Vita, il n'y a pas de mémoire interne. Donc, dans le fond, quand on joue à un jeu, on ne sauvegarde pas sur la cassette qu'on a achetée, comme la Nintendo 3DS, et on ne sauvegarde pas sur la mémoire interne de la console. Ça prend une carte mémoire. Et là, la carte mémoire, nous avons la PS Vita Memory Card, qui ressemble beaucoup à une Memory Stick Pro Duo Mini, les petites cartes qu'on a dans les certains téléphones intelligents de Sony. Mais malheureusement, ce n'est pas la même chose. C'est encore une fois propriétaire. Et on retrouve cette carte-là dans le format 4, 8, 16 et 32 gigs. Et préparez-vous, ils sont chers. Très, très chers. Surtout qu'on a une console qui sort, là. C'est sûr qu'on va avoir des prix assez élevés. Là. Et pour l'instant, en plus, Sony garde jalousement la conception de cette console, de cette carte-là. Donc, ça sera pas pour tout de suite qu'on va trouver des cartes flash moins chères chez d'autres fabricants. Pour l'instant, c'est exclusif à Sony. Donc, une carte de 4 gigs des alentours de 30$, là. Ça fait un petit peu mal au cœur, quand même. Fait que, tu sais, ça, c'est au niveau là, de la carte mémoire. Sinon, en soi, au niveau de la console, au niveau performance, on a quand même une machine qui est capable de rouler des jeux de PlayStation 3. Au dire de Sony. De Sony. En fait, les personnes qui vont l'avoir acheté vont pouvoir se dire qu'ils ont présentement une PlayStation 3 portable. On parle pas de rouler des jeux PlayStation 3 de dernière génération, donc on parle pas, dans le fond, les jeux qui vont sortir dans 2 ans, si c'est encore la PlayStation 3 qui est là. Mais normalement, la collection de jeux qu'il y a actuellement sur la PlayStation 3 devrait être jouable sans difficulté sur la PlayStation Vita, selon les dires de Sony encore une fois. La façon que Sony avait vanté ça, c'est que la fonction de la PlayStation 3, le Remote Play, était supposée de permettre de jouer à tous les jeux de la PlayStation 3 à distance en utilisant la PlayStation Vita. Et malheureusement, chose qu'on a appris, c'est qu'actuellement, cette fonction n'est pas fonctionnelle. Elle est là. Elle est verrouillée, finalement. Exactement. Okay. Donc, ça a quand même déplu plusieurs personnes qui ont acheté la PlayStation Vita et la PlayStation 3 pour cette fonction-là. Dont toi? Un petit peu. Moi, j'étais tout content hier. Je me disais, je vais essayer la fonction jouer à distance et me buter à cette fonction. Ne marche pas. Ah. Fait que, mais elle est bien là, elle existe. En fait, le monde qui pirate les consoles ont trouvé la fonction dans la PlayStation 3. Elle est là, elle est juste désactivée. Et c'est une variable à changer dans la console pour que ça fonctionne. Mais Sony dit que c'est plus compliqué que ça, que ça sera probablement pas fait, et si c'est fait, ils savent pas quand. Bref. C'est dans l'attente. Sinon, en tant que tel, au niveau des jeux en lui-même sur la PlayStation Vita, si on regarde des jeux comme Uncharted, on voit quand même que la console en a sous le capot. C'est ça, on avait deux jeux, là. On avait Uncharted, mais ça, on va pouvoir en parler plus tard, parce qu'on va finir avec la console, mais on va en parler plus tard. On avait deux jeux, on avait Uncharted. C'est quoi le nom complet? C'est le... Golden... Je t'en pose une bonne, là. Oui, j'ai un petit plan, je vais le valider tantôt. Mais il y avait Uncharted, puis il y avait un autre jeu. L'autre jeu, c'était quoi qui venait avec la console? Little Deviants. OK, c'est vraiment ces deux jeux-là qui viennent. Quand même un beau case, là. Moi, je le vois d'ici, là. C'est un très beau case qui vient avec la console. Mais on parle aussi de connectivité. On parle aussi de... On est supposé avoir il y a une édition 3G et Wi-Fi, et une édition Wi-Fi seule. Là, pour le moment, toi, la version première, je pense que tu disais que c'était Wi-Fi seulement. Oui, ben en fait... Il faut faire attention, je vais revalider mes sources, mais de mémoire, quand que j'ai réservé la console, il était mentionné que l'édition première venait avec le Wi-Fi et le 3G. Et la dernière nouvelle, j'avais revérifié sur le site de Best Buy et c'était bien et bien ça qui était indiqué comme étant la PSP qui allait être dans la boîte. À ma grande surprise, hier, ce n'était que la version Wi-Fi. Ce sera donc à revérifier. À revérifier. Ben, parce qu'au Canada, là, c'est qui fournit? Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est AT&T qui fournit le 3G. Ça serait Rogers. Rogers, ici au Canada. Par contre, c'est un peu nébuleux parce qu'il n'y a aucune compagnie qui a vraiment pris l'avant au Canada pour dire « Je suis le distributeur officiel de la... » Il n'y a pas de pub, finalement, par rapport à ça. Exactement. Et je serais même surpris que... Ben, je serais pas surpris que n'importe quel fournisseur qui utilise un réseau semblable à Roger au niveau du type signal serait compatible. Je ne pourrais pas dire prêt à dire qu'aller acheter une carte SIM chez Bell et ça va fonctionner, là, mais... Voulez-vous toujours vous informer? Je suis pas mal certain que Vidéotron fonctionnerait. Peut-être dans le cas qu'on mettrait une carte SIM Vidéotron. Mais je ne peux pas le dire de source sud parce que je n'ai pas pu le tester et je ne prévois pas non plus m'abonner à 3G pour la PlayStation Vita. Parce que... Il y a quand même une belle interface multimédia, ce que j'ai pu voir. Là. Oui, ben en fait, j'ai même toutes les optiques de navigation Internet là, qu'on retrouve sur les consoles de Sony. Je vous dirais que j'ai été quand même très impressionné par le navigateur intégré à la PS Vita. Ça va bien. J'ai été sur Facebook, puis j'ai vraiment chargé la version complète de Facebook, puis tout répondait. Ah ouais. Tactile, ça répondait super bien. Puis j'avais vraiment l'interface complète. Avec le déploiement, le chat était là, puis tout fonctionnait. J'ai pas été sur un site Flash parce que malheureusement la qualité du signal Internet où j'étais était pas assez bon pour me permettre de le faire, mais c'est quelque chose que j'aurais le goût d'essayer, voir si la console supporte le Flash. Ça m'étonnerait, mais ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Excellent. Donc, on va continuer en musique. On va s'arrêter là pour la console. On pourra reparler, lancer quelques autres qualités pendant qu'on parle des jeux. On va continuer en musique avec une chanson que j'aime bien, la chanson Senior Burns, qui est une chanson tirée d'une des nombreuses trames sonores de l'émission Les Simpsons que vous avez pu entendre lors de la première émission de la sixième saison, je crois, des Simpsons. Deuxième partie où quelqu'un aurait tué Monsieur Burns. Alors, on a notre ami Tito Puente qui joue là-dessus, sur cette chanson-là. Et vous écoutez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3. Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, nous sommes de retour pour continuer la critique de la PS Vita et des jeux qui venaient avec la PS Vita. Et on va parler de Uncharted Golden Abyss. Exactement. On n'a surtout pas vérifié le titre pendant la toune. Mais bref, jeu de Uncharted, excellente série qui franchise de Naughty Dog. Exactement. Jeu qui s'est fait beaucoup remarquer lors du lancement de la PlayStation 3, qui s'est fait encore plus remarquer lorsque le 2 est sorti, qui s'est fait moins remarquer quand le 3 est sorti, mais Dieu sait qu'il s'est fait remarquer quand la PS Vita est sortie. En fait, Uncharted Golden Abyss est actuellement le must-have des jeux de lancement de la PS Vita. Si vous achetez une PlayStation Vita et que vous n'achetez pas Uncharted, vous méritez une tape en arrière de la tête. En fait... À ce point-là? Ah ouais? Ben, en fait, si vous voulez un jeu qui va vous tenir en haleine un bon moment, c'est pas mal le seul qui va vous offrir une durée. Parce qu'actuellement, vous avez Mod Nation Racing, qui est un jeu de course. Puis vous avez des jeux de bataille, des jeux de course. Puis dans les jeux de tir... Pas mal le son. Ouais. que... Mais de toute façon, on sait que Uncharted, c'est une valeur sûre. Oui, exactement. Puis en fait, on a ici... je dirais qu'on a quand même fait quelque chose de très intéressant. On a gardé pas mal les mécaniques qu'on a de Uncharted 2 et 3. Donc, dans le fond, on a les tirs cachés, dans le fond, la visée, les roulades, les tuer le monde en silence. Tout est là encore. Tout est là encore, sauf qu'on a rajouté certains éléments au niveau du contrôle, comme je glissais un mot tantôt, parce que faut pas se le cacher, la PlayStation Vita a quand même une interface d'utilisation très évoluée. On a, oui, les boutons. On peut jouer de la façon classique à 100% avec uniquement les boutons. Mais sinon, on a l'écran tactile qui va nous aider à nous guider lors des phases. Dans le fond, là, pour comme on est accroché sur les parois, on peut tracer le chemin avec notre doigt et Drake va le suivre. Et aussi, en même temps, un autre élément que j'ai pas élaboré beaucoup, le derrière de la console est un pavé tactile. Donc, dans le fond, quand on met nos mains en arrière, la console détecte où est-ce que nos doigts sont. Et on peut utiliser ça pour grimper les cordes. Donc, dans le fond, si on fait un mouvement, tout simplement comme si on avait des mains, si on fait par le haut, on descend. Si on fait par le bas, on va monter. Ça ajoute un petit quelque chose au jeu. Un petit quelque chose, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'utiliser, mais c'est tout là pour essayer de faciliter, dans le fond, l'utilisation du jeu. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a un jeu où on peut jouer totalement classique, puis on peut essayer les nouvelles choses, mais ça nous si on veut, on les aime pas, l'écran tactique, puis les nouvelles options. On n'est pas obligé de les utiliser, puis ça nous coupe pas dans notre jeu, finalement. Ça, je trouve ça intéressant. Exactement. Puis aussi, la console est équipée d'un gyrosenseur. Donc, elle détecte si on incline la console par en avant, par en arrière, sur les côtés. Donc, si on veut sauter d'une paroi à l'autre, on a juste à incliner la console vers la gauche, et le jeu va détecter automatiquement qu'on veut sauter vers la gauche. Et après ça, on nous reste juste à appuyer sur 10, appuyer sur X, ou encore... Ben, si t'étais Romain, c'est ce que exactement. Appuyer sur X, ou encore appuyer sur la paroi avec le doigt sur l'écran tactile pour que le personnage saute. Donc, tu sais, on est capable de faire un mélange, dans le fond, là, de ces éléments-là pour faire en sorte que notre expérience de jeu soit la plus optimale. Et en fait, au niveau du jeu en lui-même, graphique très, très intéressant, on a... Moi, j'ai regardé, puis effectivement, ça a bien de l'allure, là. Ben, ça me fait penser au premier, moi, en fait, là, en côté graphique, là, ça... Oui, ben en fait, Golden Abyss, certaines personnes vont dire que c'est un remake du premier. C'est faux. C'est une histoire à part entière. C'est juste qu'elle se passe dans un environnement rappelant le 1. Et en même temps, ça ramène une histoire avec Marco Polo. Okay. Dans le fond, qui était l'explorateur sur lequel Drake faisait des recherches de trésors. C'est dans le 2, je pense, avec Marco Polo. Le 1 aussi. Ok, ouais. Donc, tu sais, tous ces éléments-là, là, tu sais, sont ramenés là, dans Uncharted Golden Abyss. En même temps, ça reste dans l'esprit. Là, pis... Mais c'est ça, est-ce qu'on vient montrer dans l'histoire de la franchise, est-ce que c'est avant le 1, entre le 1 et le 2, après le 2? En fait, ça, je pourrais pas vous le dire exactement, parce que je me suis pas rendu assez loin dans l'histoire pour voir... C'est vrai que ça fait une journée que tu l'as. C'est donc... ça, fait que t'sais, à date, on a un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu dans le 1, dans le 2, ni dans le 3. Puis on n'a pas vu encore aucune des filles qu'on a vues dans les autres Uncharted. Et on n'a pas vu Sully non plus, qui est le vieux partenaire, dans le fond, de Drake, qu'on voit dans les trois jeux. On entend parler de Sully dans celui-là, donc il faut croire que Drake le connaît, mais on le voit pas encore, dépendamment de où est-ce que je me suis rendu. Fait que je pourrais pas vous dire exactement où est-ce qu'il est dans le timeline. D'après qu'est-ce que moi j'ai entendu, c'était après le 3, puis il faut pas oublier que le 3 était avant le 1. Donc... Ça reste un... un 1.5, je pourrais pas dire. Fait qu'on a un jeu finalement qui respecte la franchise, qui est intéressant. Côté gameplay, j'ai essayé avec toi, j'ai essayé tantôt. Un bon gameplay, ça, pour les habitués de PlayStation, moi je trouve que ça joue assez bien avec les deux petits joysticks. T'as un bon contrôle, ça répond bien. Je pense qu'effectivement, pour les amateurs de la franchise et ceux qui vont avoir la chance d'avoir la PS Vita, c'est un achat intéressant. Sinon, petit élément à rajouter, par exemple, nouveauté qu'ils ont rajouté dans ce Uncharted-là qu'il n'y avait pas dans les autres, c'est l'aspect puzzle qui vient exploiter l'écran tactile et justement le reste parce qu'ils n'avaient pas sur les autres consoles. Donc, il y a des segments où on va avoir à décalquer les dessins. Ben oui. Donc, il y a une feuille de papier qui apparaît sur l'écran. Il faut passer notre doigt pour copier, dans le fond, des motifs Maya ou des choses comme ça. Puis après ça, prendre tous les petits bouts de papier puis refaire le dessin. Tu sais, des genres de petits puzzles comme ça qui est pas difficile, mais qui rajoute quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de nous emmener à faire l'investigation avec Drake, qu'est-ce qu'on, dans le fond, ne voyait que par cinématique dans les anciens. Ah, excellent, on aime ça. Et il y avait un deuxième jeu avec, que tu as eu avec ta console? Oui, en fait, Little Deviant, que je vous dirais que c'est pas le jeu de l'année, mais c'est ça permet, dans le fond, de c'est le jeu, en fait, qui est là pour vous montrer tout l'aspect interaction que la console a là. En fait, c'est un jeu qui va aller exploiter quasiment uniquement l'écran tactile. C'est quoi comme le jeu? En fait, c'est des petits extraterrestres qui se font chasser par une armée de robots diaboliques et leur vaisseau se fait détruire au-dessus de la Terre et les petits monstres ils tombent sur la planète et fout la pagaille auprès des humains. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les robots, pour les rattraper, descendent sur Terre et ils ressuscitent des zombies à tronçonneuses pour essayer de les attraper. Et, on aime ça. Et les monstres essayent de se sauver et par ce fait, ils doivent ramasser des étoiles, des clés, ouvrir des portails. Mais dans le fond, comme je disais, il y a plusieurs principes de jeu. Il y a le principe, dans le fond, puzzle avec le pavé tactile ou encore, on a le principe de réalité augmentée qui permet de prendre une capture d'écran, le fond pour emmener les monstres dans le monde réel. Et là, c'est plus des jeux de tir, des choses comme ça. Donc, c'est quand même assez varié, mais il faut voir ça plus comme un party game, plein de mini-jeux puis des choses comme ça. Fait que c'est pas vraiment un gros jeu pour les hardcore gamers, mais c'est intéressant. C'est qu'ils sont pas en profiter pour voir toutes les options que nous offre notre nouvelle console grâce à ce jeu-là. Toi, t'as-tu joué beaucoup? J'ai fait deux tableaux, en fait. C'est particulier, mais je vous dirais que mon attention était vraiment sur Uncharted. Fait que pour Little Deviant, j'ai plus été voir sur Internet qu'est-ce que le jeu offrait, là. Mais semble intéressant, mais c'est plus un petit jeu pour passer le temps, là, si vous êtes vraiment un hardcore gamer, là. Excellent. Ben merci Andrew pour ces critiques de jeux et de la PS Vita. Alors, donc pour les gens qui voulaient se l'acheter, vous avez un peu une idée. Bref, des options et un peu des périphériques qui peuvent gâcher un peu votre expérience à cause du prix, puis que ça vient à seulement Sony, mais quand même une machine côté performance très intéressante, puis pour le moment avec des jeux intéressants au lancement et aussi des nouvelles options comme l'écran, le pavé en arrière, connectivité, caméra et tout. Je pense qu'on tient quelque chose. On a hâte de voir ce que Sony va faire avec ça, en tout cas. Ben, ils nous promettent une série des jeux là, vraiment intéressants. On ne voit qu'une pointe du iceberg au niveau du lancement. Sony nous promet une année débile en 2012 pour la Vita, mais on va voir. On leur souhaite parce que pour le moment, les ventes au Japon, c'est pas terrible. On va voir ce qui va se passer en Amérique du Nord et en Europe pour la vente de cette console-là. On leur souhaite du succès parce qu'à date, ça a l'air assez prometteur. Donc, on va continuer en musique avec System of a Down, un groupe que j'aime beaucoup, avec la reprise, en fait, une version à eux d'une chanson qui s'appelle Legend of Zelda. Et vous entendez ça sur Puissance Maximale 88.3 à Québec. Shoot! You're sold with power, and when you Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, Madame Folle, vous écoutez Puissance Maximale, mais il y en a bien d'autres et on vous remercie d'être à l'écoute à chaque semaine. C'est déjà la fin de Puissance Maximale, malheureusement. Et je voudrais remercier tous les collaborateurs de l'émission qui étaient là aujourd'hui. Monsieur Andrew Castegan qui nous a parlé de la PS Vita. Toujours un plaisir. Je vais essayer de vous emmener toujours plus de détails à chaque fois que j'en découvre. Excellent. Merci beaucoup. On remercie Vanessa Maillot qui était à la console encore cette semaine. Merci Vanessa. Et moi-même, Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous, de jaser techno, geek et surtout jeux. Alors, on voudrait effectivement vous remercier. Vous rappeler que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez trouver nos anciennes émissions. Vous pouvez trouver également des chroniques et des nouvelles. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Si vous avez des suggestions de sujets pour l'émission, vous avez un groupe qui organise des activités geek, et vous voulez qu'on en parle, vous voulez être invité à l'émission, envoyez-nous ça. Ou même des commentaires, on est même prêt à les prendre, ceux-là aussi. Donc envoyez-nous un petit message sur Facebook et on va vous contacter pour reparler de tout ça. Et on vous invite à rester à l'écoute parce que tout de suite après Puissance Maximale, c'est la bande originale avec M. Benoît Quentin, une émission de musique de film et toujours très intéressant. Moi, qui est amateur de cinéma, j'adore. Alors, on vous remercie et on vous souhaite une bonne semaine de jeu. All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins till the day we. One, two, three, four, yeah!